Japon. Les renards reconnaissants par Algernon Bertram Mitford. Par une belle journée de printemps, deux amis allaient à une lande chercher de la fougère, accompagnés d'un jeune garçon porteur d'une bouteille de vin et d'un panier de vivres. Comme ils cheminaient un peu à l'aventure, ils virent au pied d'une colline un renard et sa femelle qui avaient amené leur renardeau pour le faire jouer. Pendant que nos trois personnages regardaient les étranges gambades des bêtes, trois enfants arrivèrent au même point d'un village voisin, aussi pour couper de la fougère. Les enfants n'eurent pas plus tôt aperçu les renards qu'ils s'emparèrent d'un bambou et les attaquèrent sournoisement par derrière. Surpris à l'improviste, le père et la mère renard songèrent à la fuite, mais ayant la retraite coupée, ils n'esquivaient pas toujours les coups de bambou et ils n'en jouaient des jambes que plus vite. Quant au pauvre renardeau, les enfants se jetèrent dessus, le saisirent par la peau du cou et l'emportèrent, ravis de leur exploit. Les deux amis avaient suivi des yeux tout ce manège et l'un d'eux cria du plus haut de sa voix: « Et là-bas, les enfants, que faites-vous donc à ce renard ?» L'aîné des gamins répondit: « Nous allons l'emporter chez nous et nous le proposerons à un jeune homme de notre village. Il nous l'achètera, le fera cuire et le mangera. » « Eh bien, reprit l'interlocuteur après un instant de réflexion, peu vous importe, je suppose, à qui vous le vendrez. Vous feriez mieux de me le vendre. » « Oh, mais c'est que le jeune homme de notre village nous a promis une grosse somme si nous trouvions un renard à lui rapporter des montagnes. Lui-même nous a envoyé ici tout exprès pour tâcher d'en prendre un. Vous voyez que nous ne pouvons à aucun prix vous vendre celui-ci. C'est dommage, mais combien le jeune homme vous donnera-t-il du renardeau ? Oh, au moins 300 pièces. Eh bien, moi, je vous en donne un demi-bout. » Le bout vaut environ 1,65 francs. Vous gagnerez donc 500 pièces au marché. Soit, monsieur, la bête est à vous à ce prix. Comment allez-vous la prendre ? Liez-lui cela au cou, dit l'acheteur en tendant aux enfants la ficelle qui attachait la serviette servant à envelopper les provisions du goûter. En même temps, il leur donna le demi-bout promis et les trois gamins s'en allèrent enchantés et courant. L'affaire ainsi conclue, l'ami de notre homme lui dit: « Vous avez, ma foi, des goûts singuliers. Que diantre allez-vous faire de ce renard ?»« C'est mal à vous, répondit l'autre, de critiquer ainsi mes goûts. Sans notre opportune intervention, le pauvre animal eût été tué. Si nous n'avions pas été là, il n'y aurait pas eu moyen d'empêcher la chose. Comment aurais-je pu laisser pareil acte se commettre ? Il ne m'en a guère coûté. » Un demi-bout seulement pour sauver la malheureuse créature. Mais ma fortune eût-elle dû y passer, je ne m'en serais pas plaint. Vous êtes, je crois, assez intime avec moi pour me connaître à fond. Aujourd'hui, cependant, vous m'accusez d'excentricité. Je vois combien vous vous êtes mépris sur mon compte. Aussi, à dater de ce moment, il n'y a plus d'amitié entre nous. En entendant ces paroles dites d'une voix très ferme, l'autre faisant un pas en arrière et saluant, les deux mains appuyées sur les genoux, répondit: « en vérité, la bonté de votre cœur me remplit d'admiration. En vous entendant parler ainsi, je sens plus que jamais combien est vive l'affection que j'ai pour vous. Je croyais que votre intention était de vous servir du renardeau pour attraper les vieux renards. En vous taxant tout à l'heure d'originalité, je ne voulais que sonder votre cœur, que je suspectais un peu. À présent, j'ai véritablement honte de moi-même. » Comme il parlait toujours dans l'attitude du salut, l'autre répartit: « Était cela vraiment votre pensée ? Alors pardonnez-moi la rudesse de mon langage. » Ainsi réconciliés, les deux amis examinèrent le renardeau et virent qu'il avait à la patte une légère blessure qui l'empêchait de marcher. Tout en avisant à ce qu'il pourrait bien faire, ils aperçurent un pied de l'herbe appelé le nakazé du médecin, qui commençait à sortir de terre. Ils enroulèrent une petite pincée entre leurs doigts et l'appliquèrent sur le mal. Ils prirent ensuite un peu de riz bouilli parmi leurs provisions de bouche et ils le présentèrent au renardeau, mais l'animal n'avait pas faim. Alors ils le couchèrent doucement sur le dos et le caressèrent, et comme il semblait moins souffrir de sa blessure, il s'extasiait sur les propriétés de la plante, quand en face d'eux, ils virent les deux renards arrêtés près d'une meule de paille de riz et occupés à surveiller leurs mouvements. Voyez, les pauvres parents sont revenus sur leurs pas pour rejoindre leur petit. Eh bien, nous allons lui rendre sa liberté. Et sur ces mots, ils détachèrent la corde du cou du renardeau et le posèrent à terre, la tête tournée vers le point où les deux renards étaient assis. Comme désormais le pied blessé ne lui faisait plus mal, d'un bond la petite bête fut auprès des siens, leur prodiguant les plus tendres caresses. Tandis que ceux-ci, les yeux fixés sur les deux amis, semblaient leur adresser leurs remerciements. Le cœur ravi de leur action, les deux hommes poursuivirent leur excursion et, après avoir choisi un site agréable, ils débouchèrent la bouteille de vin et se mirent à manger de bon appétit leur goûter. Puis, après avoir passé ainsi une journée agréable, ils regagnèrent leur logis et devinrent plus intimes que jamais. Or, l'homme qui avait sauvé le petit renard était un commerçant riche. Il avait 3 ou 4 commis, 2 serviteurs et 2 servantes, et vivait sur un bon pied. Il était marié. De cette union, il lui était né un fils, qui avait atteint sa 10e année. Mais l'enfant avait été attaqué d'une maladie étrange qui déconcertait tous les médecins. À la fin, un célèbre docteur prescrivit une potion composée de foie arrachée à un renard vivant, moyen de guérison infaillible, disait-il, et faute duquel rien au monde ne rendrait la santé à l'enfant. Pleins d'inquiétude, les parents ne savaient plus où donner de la tête. Toutefois, ils contèrent le cas à un homme qui habitait dans les montagnes. « Notre enfant dut-il en mourir ? » dirent-ils. « Jamais nous-mêmes nous n'ôterons la vie à d'autres créatures. Mais vous qui vivez au milieu des montagnes, vous saurez bien quand vos voisins iront à la chasse aux renards. Achetez-leur pour nous un foie de renard à n'importe quel prix. » L'homme promit de faire fidèlement ce dont on le chargeait et s'en alla. Le lendemain soir arriva un messager qui s'annonça comme venant de la part de la personne chargée de procurer le foie de renard. « Je viens, dit-il au maître de la maison, de la part de votre ami. La nuit dernière, le foie de renard que vous demandez est tombé entre ses mains. Il m'a envoyé vous l'apporter. » En disant ces mots, le messager présenta un petit pot en ajoutant « Je vous en ferai savoir le prix dans quelques jours. » Cette commission faite, à la grande satisfaction du maître de la maison, celui-ci dit au messager « Je suis en vérité profondément reconnaissant de ce service qui va sauver la vie à mon fils. » La mère, à son tour, sortit aussi sur le seuil et prit le petit pot avec 1000 démonstrations de politesse. « Il nous faut faire, dit le mari, un cadeau au messager. « Monsieur, interrompit celui-ci, ma peine m'est déjà payée. « Soit, mais alors vous allez passer la nuit ici. « Merci, monsieur, j'ai au village voisin un parent que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je compte passer la nuit chez lui. » Cela dit, l'homme prit congé et se retira. Les parents, sans perdre de temps, firent savoir au médecin qu'il s'était procuré le fameux foie de renard. Le lendemain, le médecin prépara son spécifique, lequel produisit un bon effet sur le malade, à la grande joie de tout le monde. Le hasard voulut que, 3 jours après, l'homme qui avait été chargé d'acheter le foie de renard vint à la maison. Jugez du bon accueil que lui fit la maîtresse du lieu. « Quel empressement, lui dit-elle, vous avez mis à satisfaire nos désirs. Le docteur a préparé le remède et aujourd'hui notre enfant se lève et se promène dans la chambre. Et tout cela est votre œuvre. Permettez, s'écria l'homme, que la joie du père et de la mère embarrassait fort. La commission dont vous m'aviez chargé relativement au foie de renard, il m'a été impossible de la faire, et je viens aujourd'hui vous offrir mes excuses. Mais en vérité, je ne puis arriver à comprendre ce qui me vaut tant de reconnaissance de votre part. Nous vous remercions, répliqua le maître de la maison en saluant courbé les mains appuyées sur le sol. Nous vous remercions du foie de renard que nous vous avions demandé de nous procurer. Je ne vous ai jamais envoyé un foie de renard. Il y a sans doute là quelque méprise. Informez-vous, je vous prie. Ceci est fort étrange. Il y a 4 nuits, un homme âgé de 35 à 36 ans est venu nous déclarer que vous l'aviez envoyé nous apporter un foie de renard que vous veniez de vous procurer, et il ajouta qu'il repasserait nous en dire le prix un autre jour. Sur notre demande d'accepter de passer la nuit ici, il répondit qu'il descendrait chez un de ses parents au village voisin, et il s'éloigna. Le visiteur, de plus en plus étonné, déclara qu'il n'y comprenait absolument rien. Quant au mari et à la femme, ils se sentaient tout décontenancés d'avoir remercié si chaudement un homme à l'occasion de services que celui-ci persistait à nier. Les choses en étaient là et le visiteur en question était retourné chez lui lorsque, la nuit même, apparut au chevet du maître de la maison une femme d'une 30aine d'années qui s'exprima en ces termes. « Je suis la mère Renard qui demeure dans telle montagne. Au printemps dernier, alors que j'étais allée faire jouer mon renardeau, le pauvre petit fut pris et emporté par des enfants et ne dut la vie qu'à votre intervention. Le désir de m'acquitter de cette bonne action me poursuivait sans cesse. À la fin, quand le malheur tomba sur votre maison, j'espérais pouvoir vous être utile. » La maladie de votre fils ne pouvait être guérie qu'avec un foie pris sur un renard vivant. Dès lors, pour vous rendre vos bontés, j'ai tué mon renardeau et je lui ai enlevé le foie. C'est son père qui, déguisé en messager, vous l'a apporté. » Tout en parlant ainsi, la mère renard versait des larmes. Le maître de la maison, pour lui manifester sa gratitude, s'agita dans son lit et réveilla ainsi sa femme, laquelle lui demanda ce qu'il y avait. Mais lui, au grand étonnement de sa moitié, mordait l'oreiller et pleurait amèrement. « Qu'avez-vous donc à pleurer ainsi ? » insista-t-elle. Le mari à la fin s'assit et dit « Le printemps dernier, dans une promenade que je faisais, j'ai eu l'occasion, je vous l'ai raconté, de sauver un jeune renard. » L'autre jour, j'ai dit à notre ami que, dû mon fils mourir sous nos yeux, jamais pour le sauver, je ne tuerais un renard de mes mains, et je le chargeais, s'il apprenait qu'un chasseur eût tué quelque renard, de m'acheter la bête. Comment les renards arrivèrent-ils à savoir cela, je l'ignore, mais ceux-là même à qui j'avais témoigné quelque bonté ont tué leur propre renardeau et lui ont enlevé le foie. Puis le père renard lui-même, déguisé en messager de la personne que j'avais chargée de ma commission, est venu ici remettre le remède souverain entre mes mains. Sa compagne était à l'instant à mon chevet me racontant toute l'affaire. Voilà pourquoi, malgré moi, je versais des larmes. À ce récit, l'excellente femme ne put non plus retenir les siennes, et pendant un instant, elle resta plongée dans ses réflexions. À la fin, toutefois, les deux époux revenant à eux, allumèrent la lampe placée devant l'idole de la famille et passèrent la nuit en prière et en action de grâce. Le lendemain, ils n'eurent rien de plus pressé que de conter l'aventure à toute la maison et à leurs parents et amis. Ajoutons que, bien qu'il y ait des exemples d'hommes tuant leurs propres enfants pour reconnaître un service rendu, il n'en est pas de renard ayant fait la même chose. Rien d'étonnant, donc, que l'histoire se soit répandue dans tout le pays. Un dernier mot, le jeune garçon malade, revenu à la santé, par l'effet de la médecine au foie de renard, choisit dans la propriété de son père le plus joli site pour y élever un autel à Inarisama, le dieu renard, et il offrit un sacrifice en l'honneur des deux renards reconnaissants pour lesquels il acheta en outre le rang le plus élevé à la cour du Mikado. Inarisama est l'appellation sous laquelle fut déifié un certain personnage mythologique nommé Uga, à qui la tradition attribue l'honneur d'avoir le premier découvert et cultivé le riz. Il est représenté portant des épis de riz et est symbolisé par un serpent gardant une balle de riz en grain. Les renards le servent et obéissent à ses ordres. Comme le riz est le produit le plus important du Japon et le plus nécessaire, les honneurs rendus à Inarisama sont extraordinaires. Presque toutes les maisons du pays ont quelque part un joli petit hôtel en son honneur, et un certain jour du second mois de l'année, sa fête se célèbre au bruit des tambours et autres instruments, cérémonie à laquelle les enfants prennent un plaisir extrême. Ce jour, dit Lo Satsuyo, encyclopédie japonaise, à Yedo, où sont des myriades d'hôtels à Inarisama, il y a des fêtes de toutes sortes. On érige des mâts avec de longues bannières chargées d'inscriptions. On suspend partout des lampes et des lanternes, et les maisons sont encombrées de poupées et de figures. Le bruit des flûtes et des tambours s'entend de tous côtés, et le peuple danse et s'en donne à cœur joie. En somme, c'est la fête la plus bruyante de l'année à Yedo. Le passage du conte relatif au rang acheté pour les renards à la cour du Mikado est naturellement une absurdité. Les saints auxquels on rend un culte au Japon, dit un écrivain autorisé, sont des hommes qui, à une époque reculée, alors que le pays se civilisait, étaient des sages. Leurs bonnes actions et leurs vertus leur ayant mérité la reconnaissance des générations futures, ils ont reçu, après leur mort, les honneurs divins. Comment le Fils du ciel, qui est le père et la mère de son peuple, peut-il se faire marchand de rang et d'honneur? Si le rang était une marchandise, il cesserait d'être une récompense pour les hommes vertueux. Tout ce qui a trait aux autels de Shinto ou à la religion indigène est confié à la direction des familles d'Yoshida et de Fushimi, kuge ou nobles de la cour du Mikado à Kyoto. Les affaires des bouddhistes ou de la religion importée sont aux soins de la famille de Kanjuji. Comme il est nécessaire que ceux qui, en qualité de prêtres, ont les fonctions honorables de servir les dieux, soient des personnes de quelque fortune, ils obtiennent un certain petit rang par l'intervention des représentants des familles nobles ci-dessus indiquées, lesquels représentants, à leur tour, perçoivent pour la délivrance de ces sortes de lettres patentes un droit insignifiant sans doute, mais encore assez important pour les kuge pauvres, dont l'indigence contraste singulièrement avec la richesse de leurs inférieurs en rang, les daimos. C'est là, je crois, le seul cas où le rang puisse se vendre ou s'acheter au Japon. En Chine, au contraire, malgré tout ce qu'a écrit Meadows et autres admirateurs du système des examens et des concours, un homme peut, moyennant finance, devenir ce qu'il lui plaît. Et le fameux bouton envié, qui est nominalement la récompense du savoir et du mérite, est souvent le prix de l'ignorance fortunée. Les saints auxquels il est fait allusion plus haut sont les saints de tout le pays, distincts de ceux qui, pour des actes spéciaux, ont un culte local. C'est de la catégorie innombrable de ces derniers qu'il est souvent question dans les contes japonais. Pour ce qui est de l'ordonnance de foi de renard du médecin de notre conte, elle n'étonnera certainement personne au courant de la pharmacopée chinoise que les Japonais ont adoptée de longue date, bien que ces intelligents orientaux étudient aujourd'hui avec succès l'art de guérir de l'Occident. Lorsque j'étais à Pékin, j'ai vu un médecin chinois prescrire une décoction de 3 scorpions pour un enfant qui avait la fièvre, et, dans une autre circonstance, un de mes domestiques indigènes, atteint de dysenterie, fut traité par l'acupuncture pratiquée à la langue. L'art médical paraît être aujourd'hui en Chine un peu ce qu'il était en Europe au XVIe siècle, alors que les excrétions et les sécrétions de toutes sortes d'animaux, sauriens, serpents et insectes venimeux, et même des punaises vivantes, étaient administrées aux patients. Certains médecins, dit Mathiolus, emploient les cendres de scorpions brûlés vivants contre les rétentions d'urine et les calculs vésicaux. Mais j'ai moi-même expérimenté à fond l'utilité d'une huile de ma composition dans laquelle les scorpions entrent pour une grande part. Si l'on en frotte la région cardiaque et les autres poux du corps, elle délivre les malades des effets de toute espèce de poison pris par la bouche, les poisons corrosifs exceptés. Les décoctions de momies égyptiennes sont souvent recommandées avec une solennité tout académique, et les os de crâne humain pulvérisés et mélangés à de l'huile étaient administrés comme spécifiques dans les cas de calcul du rein. Voir Petri André Mattioli Opera 1574. Ces remarques m'ont été faites par un médecin auquel je rapportais l'ordonnance du thé de scorpion du docteur chinois. Elles m'ont paru assez curieuses à citer à titre de comparaison. G.S.